vous êtes toujours sur Radio Cayenne et je vous dis un grand bonjour, bonjour aux rochers, bonjour aux pierres, bonjour aux cailloux, bonjour aux graviers et même aux gravillons. Radio Cayenne, aujourd'hui, je vais vous parler de McDonald's. Et on commence du coup par un article trouvé sur RFI, donc je suis désolée, j'aurais bien voulu vous passer le fichier son correspondant, mais je n'ai pas pu le retrouver, donc je vais vous lire l'article qui s'appelle « États-Unis, grève dans les McDonald's, accusés de négligence face au Covid-19 ». Donc à défaut du son des klaxons et des extraits d'interview, voilà ce que dit l'article: des salariés exposés au coronavirus reprochent aux géants de la restauration rapide de ne pas suffisamment les protéger. Ils demandent des masques, mais aussi des congés maladie payés. Reportage dans l'un de ces McDonald's en grève à Oakland, en Californie. Concert de klaxons et de slogans devant un McDonald's d'Oakland. Nos vies valent plus que des burgers, clament une vingtaine de manifestants-manifestantes en voiture, comme Kyla, militante du Parti socialiste des États-Unis. Et elle dit : là, nous bloquons l'entrée du drive-in de ce McDonald's pour soutenir 5 employés en grève parce que McDonald's néglige leur protection, explique-t-elle. Depuis la découverte d'un cas de coronavirus dans son McDonald's, Imelda, 43 ans, l'une de ces grévistes dépourvues de couverture médicale, a peur de travailler. Cette mère latino-américaine de 3 enfants demande donc à la direction des congés maladie et une quarantaine payée, ainsi que des masques de protection. Et elle dit : c'est très difficile parce que nous ne sommes plus payés. Mais nous le faisons pour notre bien et celui de notre famille, mais aussi pour celui des collègues et des clients, souligne-t-elle. Parce que si nous ne savons pas si nous avons le virus, nous risquons de contaminer beaucoup de gens. Des dizaines de McDonald's sont en grève depuis plus d'une semaine dans les grandes villes des États-Unis, accusés par leurs employés de négligence face au coronavirus. À Chicago, certains ont même porté plainte contre la marque, accusant leur direction d'avoir dissimulé des cas de Covid-19 au sein du personnel pour rester ouvert. L'enseigne garantit pourtant un congé payé de 14 jours, mais uniquement dans ses propres magasins. Or, 95% des fast-food de la chaîne sont des franchises indépendantes, libres d'appliquer leurs propres règles. Voilà pour les grèves aux États-Unis, sachant qu'il n'y a bien sûr pas que les McDonald's qui sont en grève là-bas. Notamment, il y a des centaines de grévistes aussi chez Amazon, qui malgré les risques, on va dire, sanitaires, avec le hausse de commandes, indique recruter plus d'une centaine de milliers de personnes. Voilà, et donc maintenant on va aller en France tout en restant chez McDonald's. Et je vais laisser le Canu Info vous présenter le sujet suivant, sachant que Canu Info, ça passe sur Radio Canu 102.2 à Lyon. Donc là, c'est un extrait. Nous allons maintenant parler d'une belle action de réquisition qui a eu lieu dans le 14e arrondissement de Marseille, où d'anciens salariés du McDonald's de Saint-Barthélemy ont investi les locaux de la chaîne fast-food, qui était en liquidation judiciaire depuis décembre dernier, afin de les utiliser comme lieu de stockage de nourriture, destiné donc à être redistribué aux plus précaires. Effectivement, soutenu par plusieurs collectifs et associations, comme le syndicat des quartiers populaires de Marseille, des salariés qui s'étaient battus pour ne pas perdre leur travail ont investi la fameuse enseigne pour la transformer en lieu donc de redistribution à destination des plus précaires. Malgré le refus de la chaîne qu'on utilise ces locaux, c'est maintenant 3 fois par semaine qu'on peut venir y chercher des colis alimentaires qui sont composés de produits de première nécessité, difficilement accessibles pour ceux et celles qui sont les plus démunis. Cette réquisition s'inscrit dans la continuité d'une lutte syndicale assez féroce pour une défense d'emploi. Et le lieu est désormais donc réapproprié comme un lieu de redistribution. Ce McDonald's, qui était donc abandonné dans les quartiers nord de Marseille, est devenu l'emblème d'une solidarité concrète, réelle, qui permet à de nombreuses personnes, oubliées par les services de l'État, de manger à leur faim. Et donc tout de suite, pour compléter cette information, on va entendre 8 minutes d'un reportage réalisé par Là-bas si j'y suis, qui est une émission de France Inter notamment. Du coup là, il s'agit d'une vidéo qu'on peut retrouver sur leur site qui s'appelle labas.org. Madame, on n'est pas la police, je vous explique. On ne demande surtout pas les pièces d'identité aux gens. Il n'y a qu'une seule communauté, c'est la communauté des êtres humains. C'est que lorsqu'il y a un être humain qui a faim, on lui donne à manger, on ne cherche pas à savoir qui il est pas, sa couleur, son orientation ou quoi que ce soit. D'accord ? Salim, bonjour. Bonjour. Toi, tu es membre du SQPM, ouais. Le syndicat des quartiers populaires de Marseille. Ouais. Et donc, tu as, avec d'autres, organisé justement ce centre d'aide alimentaire autogéré, si j'ose dire, qui est à la base en fait un restaurant McDonald's, ouais. Pour venir en aide donc à presque 18 quartiers marseillais. Pour apporter une aide alimentaire aux personnes les plus démunies. Est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, ça vient d'où cette idée? Comment ça s'est passé? Bon, on ne tombe pas de nulle part, hein. On participe à la lutte des salariés de McDo depuis maintenant plus de 2 ans. Le McDo est à l'abandon depuis le 12 décembre 2019. Depuis le 12 décembre 2019. Du coup, en discutant un peu avec Kamel, avec les salariés, les anciens salariés de McDo et tout, c'était un crève-cœur que de le voir là. La pandémie est passée par là. Et avec le confinement, on s'est rendu compte qu'il y a énormément de familles issues des quartiers populaires, et pas que, issues du territoire carrément, sur l'ensemble de Marseille, qui avaient faim, qui ne mangeaient pas leur faim, qui touchaient les minima sociaux et qui arrivaient à un moment où ils ne pouvaient plus assumer leurs enfants, c'est-à-dire il y a des enfants qui mangeaient plus depuis quelques jours. Donc on avait du mal à le croire, moi personnellement j'avais un peu de mal à le croire et tout. Donc en discutant avec eux, on a vu que c'était vraiment réel. Donc on s'est regroupé avec Kamel, avec les copains et les copines, et on a dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Et l'idée a germé de se dire, bon, puisqu'on est en temps de guerre, et on a entendu le président Macron le dire, ben, il fallait faire une réquisition citoyenne. Voilà, je vais vous demander, voilà, tenez, attrapez monsieur, il y a de quoi tenir pendant 2-3 jours, d'accord? Voilà, il y a un peu de tout, hein. Il y a des... Allez-y, placez tranquillement. Donc, une fois qu'on avait, j'allais dire, concrétisé l'idée, on s'est dit, bon, il ne faut pas la faire à la sauvage. Donc, on a fait un courrier, dans les règles de l'art, à McDo France, au PDG de McDo France, qui s'appelle monsieur Naufal Trabelsi, à l'informant qu'on lui demandait de nous mettre à disposition le McDo qui était à l'abandon le temps du confinement, uniquement le temps du confinement. Donc pour que ça puisse se passer le plus correctement possible, on a demandé à l'avocat des salariés de McDo, Ralph Blendower, de contacter les avocats de McDo et de leur soumettre le projet. Ils étaient emballés. Le liquidateur judiciaire qui s'est occupé de liquider ce resto-là, il était emballé aussi. Donc on s'est dit, ça va être une formalité. Donc on a envoyé le courrier il y a maintenant plus de 2 semaines. Et lundi dernier, il y a une réunion téléphonique qui a eu lieu entre McDonald's France et les avocats. Et là, il les a envoyés paître. La direction de McDo France ne veut rien avoir à faire de près ou de loin avec les salariés de McDo, avec les habitants des quartiers populaires, avec Emmaüs, avec le syndicat des quartiers populaires, avec toutes les associations et les habitants. Donc ça a été pour nous... un véritable coup de tête, hein. on était un peu sonnés. Ça a duré que 30 minutes, hein, je vous rassure. À 14h30, à 14h on a eu la nouvelle, à 14h30 on a réquisitionné le McDo. Donc on a décidé de devenir une plateforme logistique. Donc c'est ce qu'on est, une plateforme logistique qui regroupe maintenant 18 quartiers. Il y a autant d'associations que de référents de quartiers qui font des relevés de terrain, c'est-à-dire ils ont une connaissance parfaite du territoire qu'ils occupent, ils savent quelles sont les familles qui sont les plus en difficulté, ils nous préviennent 48 heures à l'avance, ils nous disent le nombre de familles, généralement c'est des familles de 4-5 personnes, et on leur prépare les colis. Là c'est la livraison d'aujourd'hui qu'on a reçue vite fait par un déstockeur qui nous a fortement aidé. Là, nous avons les boissons qu'on a reçues. Donc, je vais vous ouvrir la chambre froide. Ici, nous avons fromage, yaourt. Vous recevez autant de nourriture, c'est assez impressionnant. Vous attendiez à ça? Non, pas du tout. Mais vraiment, nous aussi, on a été vraiment surpris et on s'est dit. Mais comment on va faire pour essayer de subvenir aux besoins de d'autres quartiers, aux besoins des personnes qui sont surtout dans des bidonvilles, on va dire, ou dans des camps immigrants ou les camps roumains, il faut penser à eux, ou nos étudiants immigrants aussi pendant la fac de Saint-Jérôme, qui sont laissés à l'abandon. Et ben, on essaye de faire de notre mieux, juste on sort pour ne pas casser la chaîne de froid. C'était trop longtemps. Et ici, tout part de là. Nous avons le stock. C'est ce qu'on a reçu. Huile, compote, des pâtes. Normalement, on reçoit après 2 tonnes de, entre pâtes, riz, purée. Si vous avez des besoins particuliers concernant, quand même, je crois qu'il y a les sacs d'hygiène, il y a les serviettes, tout ça. Oui, j'ai ça. Attendez, je vous ramène ça. Ouais. Attends. Attendez, on va vous faire passer les sacs d'hygiène. Bonjour, c'est gentil, merci beaucoup. Merci madame, on en a besoin. Vous êtes en lunch. Bonjour. Merci beaucoup, c'est très très gentil, merci. C'est les sacs dont on a besoin pour faire les paniers. Voilà, il y a un petit kit hygiène, alors ça servira, d'accord. Allez, merci, rentrez merci. Bien et surtout préservez-vous, hein, d'accord. Voilà, et respectez le confinement, c'est important, hein, d'accord. Merci. En 5 jours, on a écoulé à peu près entre 10 et 12 tonnes. Donc, on remercie bien sûr les grossistes qui nous ont été d'une forte aide et la générosité des petits commerçants et des citoyens qui viennent, qui ramènent des couches, du lait, des pâtes. Donc la solidarité, elle existe. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser McDo, donc on vient, on ne commande pas, on a commandé 48 heures à l'avance, on fait le tour, on ne paye pas. Et lorsqu'on arrive au moment pour récupérer la marchandise, on ne récupère pas des Big Mac, mais on récupère des paniers alimentaires avec des fruits et légumes bio. Parce qu'on a une association de paysans du coin qui nous remet 2 fois par semaine des fruits et des légumes bio. Bon, c'est trop bon le bio, on a perdu l'habitude du goût. Donc voilà, donc ça fait énormément plaisir. Donc c'est un mal pour un bien. Donc du coup, les habitants des quartiers populaires ont des produits pour habituellement qu'ils ne peuvent pas toucher. Ça se passe comme ça, chez McDonald's, chez McDonald's.